si non c'est moi qui te fais la peau. Hey petit flic, petit flic, petit flic, tu fais vraiment un sale boulot. Alors fais-le proprement, sinon c'est moi qui te fais la peau. C'est l'homme à homme que je te le dis, mon abruti. Quand on fait ton métier, faut être grand, sinon on est tout petit. Frapper un innocent, tu sais, c'est vraiment pas top. Les abus de pouvoir, c'est un truc de salope. Hey petit flic, petit flic, petit flic, tu fais vraiment un sale boulot. Alors fais-le proprement, sinon c'est moi qui te fais la peau. Hey petit flic, petit flic, petit flic, tu déshonores ta profession. T'es une toute petite merde dans ta grosse corporation. Ma prose est comme un tir de LBD, elle touche toujours sa cible sans l'éviter. Ma prose est comme un tir de LBD, elle part, file pour tout exploser. Wouh! Que je te le dis, mon abruti. Quand on fait ton métier, faut être grand, sinon on est tout petit. Frapper un innocent, tu sais, c'est vraiment pas top. Les abus de pouvoir, c'est un truc de salope. Va poser comme un tir de LBD. Ose me dire dans les yeux que ça t'a fait bander. De pas sacrer ce mec un peu trop bourré. Sa peau est noire, la tienne est rouge. Après tout, ça peut faire un très bon violet. Hey petit flic, petit flic, petit flic, tu fais vraiment un